On va commencer, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On explique aujourd'hui, c'est le cours 43 dans le livre Umdatul Ahkam, le Sharh de Sheikh Abdullah Al-Bassam, et on est arrivé au hadith numéro 84, Al-Rabi'u wa Thamanoun. C'est un hadith qui est rapporté selon Mutarrif ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه. Il dit, j'ai fait la salat avec Imran ibn Hussein derrière Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, et lorsqu'il faisait le sujoud, il faisait le takbir, Allahu Akbar, et lorsqu'il se relevait la tête après avoir fait le recours ou bien après avoir fait le sujoud, il faisait le takbir. Quand il se relevait, il faisait le takbir. Et quand il se penchait pour... Quand il se relevait pour les deux autres rak'a, il faisait le takbir encore. Et lorsqu'il a terminé sa salat, Imran ibn Hussein a pris ma main. Il a dit, il m'a rappelé de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il a prié avec nous la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire sa prière, sa façon de prier, ça nous rappelle la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait lu l'explication générale, on peut le répéter aussi. Il dit que fi hadain al-hadithain al-sharifain bayanu shi'ar salah وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة فما جعل هذا شعارها وسمتها فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده. Donc dans ces deux hadiths qu'on a lu, le hadith actuel et le hadith précédent qui était celui de Abu Huraira radiallahu anhu. Le hadith précédent, c'est le hadith 83. Les deux sont mentionnés un après l'autre. Le hadith 83 qui est rapporté selon Abu Huraira, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour faire la salat, il faisait le takbir lorsqu'il était debout. Allahu Akbar. Puis, lorsqu'il faisait recours, il faisait le takbir encore. Allahu Akbar. Mais pour se relever, il disait Sami Allahu liman hamida. En se relevant, il redressait sa colonne vertébrale après avoir fait le recours, et une fois qu'il était redressé complètement, il disait Rabbana wa lakal hamd. Donc en se levant, il dit Sami Allahu liman hamida, et une fois qu'il est debout, Rabbana wa lakal hamd. Puis lorsqu'il voulait se pencher pour faire le sujoud, il disait encore une fois Allahu Akbar. Puis il disait Allahu Akbar après lorsqu'il se relevait du sujoud. Puis il disait encore Allahu Akbar lorsqu'il se reprosternait encore une deuxième fois. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il relevait sa tête. Puis il faisait cela dans toute sa prière jusqu'à ce qu'il termine. Hein? Et après s'être assis dans la deuxième raka'a, s'il se relève pour la troisième, eh bien à ce moment-là aussi il fait le takbir. Il dit Allahu Akbar encore après s'être assis entre les deux, après la deuxième raka'at, s'il y a une troisième ou une quatrième. Donc le cheikh dit que ces deux hadiths-là, ils font partie des symboles de la prière. Et c'est pour établir la majesté, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son respect. Hein? Et ces deux symboles, hein, Allah, il en a fait des symboles, le takbir, il en a fait des symboles. Pourquoi? Parce que la salat elle-même, elle a été légiférée pour glorifier et exalter Allah subhanahu wa ta'ala. فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة. Donc lorsqu'il entre dans la salat, il fait le takbira de l'ihram, le premier takbir, Allahu Akbar, alors qu'il est debout et il se tient droit. وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر. Donc lorsqu'il va se pencher pour faire le ركوع, il va dire Allahu Akbar encore une fois. فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده واستتم قائما حمدا لله وحمد الله وأثنى عليه حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام. Puis après il se relève du ركوع en disant سمع الله لمن حمده, et il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait son éloge, il dit Rabbana lakal hamd, ou Rabbana walakal hamd, parce qu'il revient dans la meilleure, une des meilleures positions dans la salat, qui est le fait d'être debout. Puis il dit ensuite Thumma yukabbiru wa huwa huwiyihi ila sujud, fi huwiyihi ila sujud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud, thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha, hatta yafra'u minha. Le cheikh dit, puis après il fait le takbir, et il se penche pour le sujoud, il dit Allahu Akbar, puis il se penche pour faire le sujoud. Et il dit encore Allahu Akbar lorsqu'il relève sa tête après avoir fait le sujoud. Sujoud, c'est la prosternation. Puis il fait cela dans toute sa prière jusqu'à ce qu'il ait terminé, et il dit ensuite, et lorsqu'il se lève pour le après avoir fait le premier tashahhud, après avoir fait les deux premières raka'at, il se lève pour compléter soit la troisième si c'est le maghrib, ou la quatrième si c'est les autres prières qui ont quatre raka'at. Il fait le takbir en se levant, yani à ce moment là il dit Allahu Akbar encore une fois. Donc ça on l'avait lu, mais on continue avec l'explication de la suite sur les divergences entre les ulama sur cette question. Et le cheikh il dit أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاته واختلفوا فيما عداها من التكبيرات فذهب أكثر العلماء أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته وهذه التكبيرات لم تذكر فيه قال في فتح الباري الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. On va traduire ça. Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, il dit que les ulama sont tous d'accord sur il y a un consensus sur l'obligation de faire takbiratul ihram, le premier takbir, à cause des preuves qui sont mentionnées à ce sujet dans un hadith qu'on appelle hadithul musi fi salatihi. Hadithul musi fi salatihi. Qu'est-ce que ça veut dire al musi fi salatihi? Ça veut dire le hadith au sujet de la personne qui faisait mal sa prière. Ce hadith-là, c'est un hadith célèbre. parmi les ulama et parmi les gens de science, il le ramène souvent à un tel point que le hadith en lui-même, il a déjà un nom par lequel il est connu. Ce nom-là, c'est le hadith de celui qui a pas prié, qui priait pas bien ou qui faisait mal sa prière. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais si vous voulez, je peux vous le répéter, il n'y a pas de problème. C'est un homme qui est rentré dans la mosquée pour faire la salat. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la mosquée et il a prié rak'atayn. Et il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner le salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Retourne prier, car tu n'as pas prié. » Alors, il est retourné. Il a recommencé la prière comme il l'a fait la première fois. Et quand il a terminé, il est retourné voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il lui a dit la même chose. « Retourne faire ta prière, car tu n'as pas prié. » Alors, l'homme s'est levé, il a recommencé sa prière encore une fois. Et quand il a terminé, il est venu encore pour donner le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore une fois, « Retourne faire ta salat parce que tu n'as pas prié. » Et certains mentionnent 3 fois, certains mentionnent 4 fois. À la fin, l'homme il a dit, « Ô messager d'Allah, ce que j'ai fait là maintenant, je ne sais pas rien d'autre. » C'est-à-dire, c'est ça ce que je connais seulement. « S'il te plaît, apprends-moi. Hein, dis-moi comment faire ma prière correctement. » Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire la salat comme il faut. Et il lui a dit, quand tu commences ta prière, tu fais le takbir, puis tu récites al-fatiha, puis tu récites ce que tu peux du Coran, puis après tu fais le takbir, hein, et tu te penches pour faire le ruku, jusqu'à ce que ton dos soit complètement droit, hein, et que tu sois en tranquillité dans ton ruku. Puis tu te relèves jusqu'à ce que ta colonne soit encore une fois redressée complètement, hein, et que tu sois en tranquillité dans ta position debout. Puis tu te penches pour faire ton sujoud en disant Allahu Akbar, hein, et tu restes prosterné, et quand tu te rassois, tu te redresses le dos complètement jusqu'à ce que tu sois en tranquillité dans ta position assise, dans la position assise. Puis tu dis Allahu Akbar encore en te prosternant pour la deuxième fois. Et il a dit, tu fais cela dans toute ta prière, hein, en gardant la tranquillité entre chaque mouvement et en prenant ton temps bien comme il faut pour, hein, reprendre la position après chaque mouvement. Donc ça, c'est en résumé le hadith en question. Donc les ulama sont tous d'accord sur l'obligation du premier takbir, ça il n'y a pas de doute. Le premier takbir qu'on appelle takbiratul ihram, celui-là il est obligatoire, il n'y a pas de doute, et c'est basé sur le hadith de al-musi fi salatihi, celui qui avait fait mal sa prière. Mais ils ont divergé en ce qui concerne les autres takbir durant la salat. Ils ne sont pas tous d'accord que ce soit obligatoire. Il dit le cheikh que la plupart des savants de fiqh considèrent que ce n'est pas obligatoire de les faire. Parce que pour eux, uniquement ce qui est obligatoire, c'est les takbirs qui sont mentionnés dans le hadith de celui qui a mal prié. Ces takbirs-là sont obligatoires, mais les autres qui ne sont pas mentionnés dans ce hadith, ils ne les considèrent pas comme étant obligatoires. Et Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dans son charh de Sahih Muslim, qui s'intitule Fath al-Bari, il dit « Al-Jumhur ala nadbiyati ma'ada takbirat al-Ihram » Il dit que la majorité des ulama, ils sont sur l'opinion que tout ce qui est en dehors du premier takbir, c'est recommandé de le faire seulement. C'est pas obligatoire. Le cheikh il dit ensuite, « ذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرة الانتقال مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها » وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فذكر الحديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. وأجابوا عن حديث المسيء بأنه أتى في طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وذكر بقية التكبيرات. Donc le cheikh il dit que l'imam Ahmad ainsi que Daoud al-Zahiri, et ça c'est un autre parmi les madhahib, le madhhab de Daoud al-Zahiri, c'est un autre parmi les madhahib, il dit qu'il est obligatoire de faire le takbir du déplacement d'un mouvement à l'autre, d'un chaque déplacement d'un mouvement à l'autre. Et il se base à ce sujet-là, il se base sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait toujours. Il les faisait tout le temps. Donc, il considère que ça c'est une obligation. La raison de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith à propos de la salat, sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est-à-dire, faites la prière de la même manière que vous me voyez prier. C'est comme ça qu'il a dit aux sahaba. Donc ça consiste, ça signifie que c'est un ordre de prier comme lui. Et s'il a prié de cette façon et qu'il a fait le takbir à chaque mouvement, alors dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là une obligation pour nous de faire le takbir nous aussi. Et également en se basant comme preuve sur le hadith rapporté par Abu Daoud, selon Ali ibn Yahya ibn Khallad, selon son oncle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de l'un d'entre vous ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il fasse son ablution, son wudu. Et il a mentionné le hadith en entier, puis il dit dans ce hadith là il mentionne les différents takbir. Il mentionne dans ce hadith les différents takbir, et ce hadith là est une preuve explicite dans ce domaine, dans ce sujet des takbirat. Et ils ont répondu à l'argument de ceux qui ont dit qu'ils pensent que c'est seulement le hadith, les takbirs qui sont mentionnés dans le hadith de celui qui avait mal prié qui doivent être pris en considération. Ils ont répondu à ça, à cet argument-là, en disant que il y a plusieurs versions de ce hadith. Et parmi les versions du hadith, il y a celle de Abu Daoud, de Tirmidhi, An-Nasa'i, qui ont mentionné dedans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis ensuite il dit Allahu Akbar et il fait le recours, et ainsi de suite. Donc ça c'est la preuve que, puisqu'il a mentionné dans cette narration-là, dans cette version du hadith de celui qui a mal prié, il mentionne les différents takbirat, donc c'est la preuve que ça aussi ça rentre dans qu'est-ce qui est obligatoire, c'est pas seulement recommandé. Et il dit وَاخْتَلَفُوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد فذهب إلى وجوبه على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد طائفة من العلماء من الصحابة أبو برزة ومن التابعين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين إسحاق وأبو داود ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي وداود وحجتهم حديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره واحتجوا أيضا بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد وألحق به المأموم، لأن ما ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق، وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتمحيد على المأموم جماعة. Donc on va traduire ça. Le cheikh, maintenant, il parle d'une autre divergence à ce sujet, au sujet de qu'est-ce qu'on a dit dans ces deux hadiths-là. Et c'est la divergence au sujet de Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Est-ce que c'est seulement l'imam qui doit dire Rabbana walakal hamd? Est-ce que c'est seulement l'imam qui doit dire Sami Allahu liman hamida? Ou bien est-ce que les gens qui prient derrière l'imam, eux aussi, ils peuvent dire Sami Allahu liman hamida, ربنا ولك الحمد؟ Parce que ربنا ولك الحمد يعني les deux le disent, l'imam et les gens qui prient derrière l'imam et la personne qui prie tout seul, ils disent ربنا ولك الحمد. Mais il y a des ulama qui disent c'est seulement l'imam qui dit سمع الله لمن حمده. Ceux qui sont derrière l'imam, ils disent pas سمع الله لمن حمده, ils disent seulement ربنا ولك الحمد. Et à ce sujet là il y a deux positions chez les ulama. Il y a la position de ceux qui disent qu'il est obligatoire de le dire pour chaque personne qui fait la salat, qu'il soit imam, qu'il soit derrière l'imam ou qu'il prie tout seul. Et ça, c'est un groupe d'entre les ulama qui ont dit ça. Et parmi ces ulama-là, parmi les sahaba, il y a Abu Barza qui l'a dit. Parmi les tabi'in, les élèves des sahaba, il y a Muhammad ibn Sirin et Atta ibn Abi Rabah qui ont eu cette position-là aussi. Et parmi les savants de hadith, Ishaq et Abu Daoud, et parmi les imams des madahib, des quatre madahib, il y a l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Abu Daoud, l'imam Daoud al-Zahiri. Donc ça, c'est les imams qui ont eu cette position-là parmi les ulama. Et ils se basent sur quoi pour dire ça? Ils se basent sur le hadith qui est mentionné dans ce chapitre, يعني à propos de ce sujet, qui est rapporté par Ad-Darqutni, qui est rapporté par Ad-Darqutni selon Bouraïda, qui dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Bouraïda, lorsque tu lèves ta tête et que tu te relèves du ruku', dis Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et le cheikh, il dit qu'ils se sont basés également sur le fait qu'il y a un consensus qui a été rapporté au sujet de l'obligation pour la personne qui prie tout seul de le dire. Et ils disent que si la personne qui prie tout seul, elle doit le dire et que c'est obligatoire pour lui, eh bien on peut rallier à ça la personne qui prie derrière l'imam aussi, puisque ce qui a été confirmé au sujet de la personne qui prie tout seul, ou une personne qui prie, si ça a été confirmé quelque chose à son sujet, alors dans ce cas-là, on peut le dire aussi à propos d'une autre personne aussi qui prie, sans aucune distinction entre les deux. D'accord? Maintenant, il y a les ulama qui ont eu l'autre opinion, que ce n'est pas obligatoire. Hein? Et il dit le cheikh que ذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن مسعود ومن التابعين الشعبي ومن المحدثين سفيان الثوري ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وصاحباه والإمام أحمد والأوزاعي وهو مروي عن مالك أيضا واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. وأجابوا عن أدلة أصحاب المذهب الأول بما يأتي أما حديث الباب فهو في صلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم. أما حديث بريدة فضعيف الإسناد ولا يحتج به، وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد فلا قياس مع النص، والله أعلم. Ok, maintenant on va traduire maintenant qu'est-ce qui a été dit à propos de cette deuxième opinion, ceux qui considèrent que ce n'est pas obligatoire de dire Sami Allahu liman hamida pour la personne qui est derrière l'imam. Et ça, c'est la position de plusieurs parmi les sahaba, parmi eux Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, et parmi les tabi'in, Al-Sha'bi, un des grands ulama des salafs, parmi les savants des salafs, parmi les savants de hadith, Sufyan al-Thawri également, parmi les imams des mazahib, parmi les quatre imams, Abu Hanifa, ses deux compagnons, Abu Yusuf et Abu Muhammad, je pense que c'est ça leur nom, c'est ses deux élèves, ses deux plus grands élèves. Ensuite, l'imam Ahmed, il a eu cette position-là aussi, et également parmi les grands imams des salafs, l'imam Al-Awza'i. L'imam Al-Awza'i, et il y a une des narrations à ce sujet-là qui a été rapportée de l'imam Malik aussi. Ok, et le cheikh il dit que ils ont utilisé comme preuve que c'est pas obligatoire de dire Sami Allahu liman hamida pour celui qui est derrière l'imam, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on a uniquement placé l'imam pour qu'il soit pris comme guide. On a uniquement placé l'imam pour qu'il soit pris comme guide, c'est-à-dire pour qu'on le suive. Hein? Et le cheikh, il dit, à ce sujet-là, si il dit, c'est-à-dire l'imam, « Sami Allahu liman hamida » que Allah exauce celui qui le glorifie, ils disent, c'est-à-dire eux, ils disent, c'est-à-dire ceux qui sont derrière l'imam, « Rabbana wa lakal hamd » Notre Seigneur, à toi appartient la gloire, la louange. Et ils ont répondu à la position de ceux qui disent que c'est obligatoire par les arguments suivants. Ils ont dit, premièrement, le hadith ici, dans ce chapitre qu'on est en train de parler, c'est la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit quand il est imam, ou soit quand il est tout seul, quand il prie tout seul. Donc, nous, notre divergence, elle n'est pas à ce sujet-là. Notre divergence, elle est lorsque quelqu'un, il est derrière l'imam. En ce qui concerne le hadith de Bouraïda, que eux, ils ont utilisé comme argument, dans lequel le professeur Hossam aurait dit, lorsque tu descends pour le recours, quand tu te relèves pour le recours, pardon, du recours, tu te relèves, tu dis, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Il dit que ça, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Sa chaîne de transmission n'est pas authentique. On ne peut donc pas l'utiliser comme argument et comme preuve. Et la troisième chose qu'il a rapportée ou qu'il a mentionnée à ce sujet-là, c'est que il dit وَأَمَّا إِلْحَاقُ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. En ce qui concerne le fait de vouloir faire une analogie, une relation pour rattacher la personne qui prie derrière l'imam et de le comparer à l'imam ou à celui qui prie tout seul, puis de dire que puisque c'est comme ça pour celui qui est imam et qui prie tout seul, donc c'est la même chose pour celui qui est derrière l'imam, il dit on ne peut pas faire ce genre d'analogie-là s'il y a un texte explicite qui mentionne le contraire. Wallahu ta'ala a'lam. Et le cheikh il dit ensuite, il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith. Il dit وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Il mentionne 11 choses qu'on peut tirer ou extraire de ces hadiths-là qu'on a mentionnés aujourd'hui. Le premier point, مَشْرُعِيَّةُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَنْ تَكُونَ فِي حَالِ الْقِيَامِ. C'est-à-dire qu'il est légiféré de faire le takbir à l'ihram, le premier takbir, et que ça doit être fait dans la position debout. Takbiratul ihram, le premier takbir. Le deuxième point, mashru'iyatu takbiratul ihram, mashru'iyatu takbiratul ruku' wa an yakuna fi hal al-intiqal min al-qiyam ila al-ruku'. Le deuxième point, c'est le fait qu'il est légiféré de faire le takbir, hein, quand on descend pour le recours. Et ça, c'est, je pense qu'il y a quelqu'un là-bas, allez juste vérifier, quelqu'un qui a frappé pour les femmes. Ah, c'est toi qui as frappé? Ah d'accord, désolé. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il est légiféré de faire le takbir pour le recours, et que ça doit être fait dans le déplacement entre le moment où on est debout et le moment où on s'incline. Donc pendant le déplacement, on dit, hein, Allahu Akbar. Le point numéro 3, at-tasmi'u lil-imam wal-munfarid wa yakunu fi hal ar-raf'i min ar-ruku'. والرابع التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. Donc le point numéro 3 et 4, c'est de dire سمع الله لمن حمده. Ça, c'est pour l'imam et pour la personne qui prie tout seul. Et c'est lorsqu'il se relève du recours, en se relevant. Et le point numéro 4, il dit ربنا ولك الحمد, une fois qu'il est redressé complètement. Et ça, c'est pour qui? C'est pour l'imam et la personne qui est derrière l'imam, et pour la personne qui prie seule. Ils disent tous Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Le point numéro 5, at-tama'ninatu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Qu'est-ce qui est mentionné ici, c'est que quand on se relève du recours, puis qu'on se tient debout, il faut vraiment qu'on ressente qu'on est redressé complètement, puis qu'on a le temps de sentir la tranquillité dans sa prière. C'est pas comme certains musulmans, et je suis sûr que vous l'avez déjà vu ça, des gens qui aussitôt ils se relèvent, ou même parfois ils sont à peine relevés du recours, qu'ils sont déjà prêts à descendre dans la prosternation. Et ça, c'est vraiment pas correct, parce qu'il n'y a pas dans ce cas-là at-tama'nina. Et at-tama'nina, qui est la tranquillité, la sérénité dans la prière, ça fait partie des arcanes, ça fait partie des piliers de la salat. Et celui qui prie comme ça trop rapidement, il n'a pas vraiment le temps de se concentrer, puis de prier avec une vraie dévotion dans sa prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se relevait du recours, il disait Rabbana wa lakal hamd. Hein, ça, c'est le minimum que tu dis quand tu te relèves. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Mais sinon, aussi, parfois, il répète, il disait des du'as plus longs. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan tayyiban hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et des fois, il rajoute même à ça, hein, Rabbana wa lakal hamd, hamdan tayyiban, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et il récite encore d'autres invocations qu'on a mentionnées déjà. Donc, ça, c'est pour dire que il restait parfois très longtemps dans la position debout après le recours. Puis après, il se prosternait. Et le cheikh, il dit, comme tu voulais dire quelque chose? Ben, si t'es derrière l'imam, hein, t'es supposé de le suivre. Tu dois, comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre précédent, il y a trois choses que dans la prière, que le prophète, en somme, il nous a enseigné de ne pas devancer l'imam, puis de pas trop retarder de l'imam, mais de suivre l'imam. Donc, celui qui fait le mouvement avant l'imam, hein, il risque de rendre sa prière nulle s'il fait avant l'imam le mouvement. Ou s'il le fait en même temps que lui, il diminue dans sa récompense. Et s'il le fait après, c'est correct, mais il ne faut pas qu'il attende trop longtemps. Parce qu'il y en a des gens, par exemple, ils vont faire dua dans le sujoud, et l'imam, il s'est relevé, hein, il s'est assis, et lui, il reste. Puis l'imam, il a le temps de se prosterner une deuxième fois, alors lui, il commence à se lever. Et là, il court pour se prosterner une deuxième fois. Ça, c'est pas correct. Donc, dans ce sens-là, si tu es derrière l'imam, c'est sûr que, dans ce cas-là, l'imam, lui, il rattrape ton erreur pour toi. Toutefois, si tu pries tout seul, il faut que tu prennes ton temps de prier comme il faut, puis avoir la tranquillité entre chaque mouvement. Naam. Le cheikh, il dit ensuite, le point numéro 6, « At-takbir fi hal al-huwi min al-qiyam ila al-sujud » Le takbir dans la descente vers le sujoud, lorsque tu es debout, puis que tu te penches pour faire le sujoud, ça tu fais le takbir en descendant. Il y en a des fois qui demandent, est-ce que tu... Il y en a, parce que vous allez trouver des musulmans qui font différentes choses. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le takbir quand ils sont debout, Allahu Akbar, puis après ils se prosternent. Il y en a d'autres imams, qu'est-ce qu'ils font? Ils font takbir juste quand ils sont prosternés. Ils se prosternent, puis après ils disent Allahu Akbar. Hein? Mais qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est supporté par les preuves? C'est que l'imam, il fait le takbir pendant le déplacement. Pendant le déplacement, c'est-à-dire pendant qu'il se penche pour se prosterner. Pas après, pas avant. Après, le cheikh, il dit, et le cheikh Ibn Uthaymin, il a détaillé ça dans son livre, Al-Mumti' Sharh Zad Al-Mustaqni', il a ramené les explications à ce sujet-là, les détails. Le cheikh il dit ensuite, At-takbir hal al-raf' min al-sujud ila al-julus bayn al-sajdatayn, quand tu te relèves du premier sujud pour t'asseoir entre les deux prosternations, tu fais le takbir aussi. Point numéro 8, أن يفعل ما تقدم عدا تكبيرة الإحرام في جميع الركعات. Donc il fait, le cheikh il dit qu'il fait tout ce qu'on a mentionné préalablement, excepté le premier takbir, dans toutes les différentes rak'at de la prière qu'il fait. Donc il va faire les mêmes mouvements, les mêmes takbir, les mêmes choses, excepté qu'il ne va pas faire le premier takbir comme il a fait quand il est rentré dans la prière la première fois. Le cheikh il dit ensuite le point numéro 9, التكبير حال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين. Le cheikh il dit que tu vas également faire le takbir en te levant après avoir fait ton premier tashahud lorsque tu fais une salat qui a deux tashahud dedans, soit qui a trois raka'at ou quatre raka'at. Quand tu te relèves du premier tashahud, tu fais le takbir en te levant. Et le point numéro 10, المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه وهذا هو المشروع قال ابن دقيق العيد وهو الذي استمر عليه عمل الناس. Donc ici le cheikh il mentionne dans le point numéro 10 l'explication que j'ai mentionnée tout à l'heure par rapport au fait que le takbir dans le hadith c'est écrit hina, et en arabe hina ça veut dire pendant, pendant que tu le fais. Donc tu fais ton takbir pendant que tu te déplaces d'une position à l'autre. Donc tu le fais pas avant le takbir et tu le fais pas après. C'est ça qui est légiféré. Et Ibn Daqiq al-Aid, un des ulama de l'islam, il a mentionné que c'est ça que les ulama ont toujours fait de façon permanente parmi les imams et les savants de fiqh des différentes régions, des différentes villes. Et le point dernier point, le point numéro 11, ذكر ناصر الدين ابن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية. الشيخ ناصر الدين ابن المنير il dit que de renouveler le takbir dans chaque rak'a et dans chaque mouvement, c'est comparable à renouveler l'intention. Renouveler l'intention. Bon, ici, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire par là. Mais bon, Allahu a'lam. Après, le cheikh, il donne comme point bénéfique un point ici. Il dit « Wa warada fi ba'd al-riwayat, fi ba'd al-riwayat al-hadith, Rabbana laka al-hamd » وورد في بعض الآخر ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وهو أكثر الروايات وهي أرجح وأولى لأن الواو يأتي بمعنى زائد مقصود. Donc il y a deux façons de dire ربنا ولك الحمد ou ربنا لك الحمد avec le واو et sans le واو. ربنا لك الحمد et ربنا ولك الحمد. Donc tu peux dire un ou l'autre, les deux sont rapportés dans les hadiths, mais le cheikh dit que qu'est-ce qui est le mieux, c'est la narration qui mentionne avec le waouh, Rabbana wa lakal hamd, et la raison de ça c'est parce que ça rajoute une signification. Donc il considère que c'est mieux. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça inshallah la semaine prochaine bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.